les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'écho de la guerre de 40, 30 ans plus tard, est la suite d'un premier roman, La guerre à 9 ans. À 14 ans, il avait commencé une carrière de gigolo avec une femme extrêmement riche. Un homme qui disait n'avoir jamais su rompre avec les gens qu'il aimait et n'en pas aimer beaucoup. Je n'aime pas beaucoup les gens qui cherchent le bonheur. Le texte est La Marge, Pascal Jardin, au micro de Denise Alberti, le 19 octobre 1973, sur France Culture. Nous avons plaisir à retrouver au micro du texte et la marge Pascal Jardin, qui nous a fait l'amitié de venir pour chacun de ses livres. Pascal Jardin vient de publier La suite de la guerre à 9 ans, un très très gros succès de librairie et un gros succès tout court, Guerre après guerre. Pascal Jardin, il semblerait que le mot guerre est un leitmotiv dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai jamais fait la guerre, ni celle d'Indochine, ni celle d'Algérie. Et vous aviez 9 ans quand la guerre de 40. La guerre de 40 m'a beaucoup, beaucoup frappé. Je dirais même qu'elle a motivé toute ma vie. Et puis, mais c'est un titre à double sens. Il s'agit surtout des guerres que je me livre à moi-même et aux gens que j'aime. Des guerres de votre personnalité contre d'autres personnalités. C'est un petit peu ce dont on a l'impression en lisant le livre. Vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des concessions. J'essaie de ne pas en faire. Ou d'en faire. Non, pas d'eau dans mon vin. Et vous exigez la même chose des autres? Oui, ils me suivent plus ou moins bien. Quand ça marche, ils me suivent. Et quand ça marche plus, on ne sait pas. Quand ça marche plus, on est toujours tout seul. Mais de toute manière, on est toujours tout seul. Vous croyez? C'est pas un mot d'amertume, non. Oui. Oui. Je le crois. En dépit de l'amour, en dépit des parents, en dépit des enfants. En dépit de tout, on est toujours tout seul, je le crois vraiment. Enfin, les hommes. Les femmes, je crois moins. Il y a une interview de Céline absolument prodigieuse que j'ai revue l'autre jour à la télévision où il disait quelle est la source d'inspiration pour vous. Il disait c'est la mort et ça ne peut pas plaire aux femmes parce qu'elles sont faites pour la vie. Si on ne met pas sa peau sur la table, on n'est qu'un rigolo. Et je suis un médecin qui n'aime pas la vie, il disait. Ce qui résume assez bien la position de... Effectivement, de mettre ce qu'on a de plus essentiel en jeu pour écrire. Oui. C'est votre position, en tout cas. C'est ma position. Vraiment, quand j'écris pour moi, oui. Et après, vous faites des corrections, des aménagements? Non, je fais tout le temps les corrections, je retravaille tout le temps. C'est une fois de plus un livre de 600 pages que j'ai ramené à 200. Mais je ne fais pas de concessions. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, vous le sentez parfaitement. Tout ce que vous avez écrit, vous le sentez parfaitement. En tout cas, je le crois. Ce qui est important. J'essaie. Pascal Jardin, votre livre est écrit sans souci aucun de chronologie ni de plan, tout au moins apparent. Apparent, oui. Tout au moins apparent. Mais on a l'impression que vous savez très bien où vous voulez mener votre lecteur par rapport à vous. Si vous voulez, c'est simplement une tentative de mise à plat du temps. Je crois qu'il existe une corrélation mystérieuse et invisible entre ce qui s'est passé d'important dans le passé et ce qui se passe dans le présent. Et c'est une tentative de mise à plat du temps pour savoir ce qui fait qu'un événement 1939 a un écho en 1973. Et est-ce que les personnes aussi, les personnages, ont des échos? Par exemple, vous revenez fréquemment à votre grand-mère. Et oui, c'était ma star quand j'étais enfant. C'était ma star. Et on a l'impression qu'elle a été la première star que j'ai fait parler. Dieu sait si depuis, vous en avez fréquenté d'autres. Mais je pense qu'à celle-là, vous étiez profondément attaché. Elle était à la fois le mythe de la grand-mère et la grand-mère elle-même. C'était mon premier amour, ma première maîtresse, enfin, je veux dire. C'était... Et puis, Dieu merci, elle était folle. Je veux dire par là que tout en elle échappait à la raison et c'était un enchantement parce que c'était élevé dans une province très très raisonnable et très convenue et je ne savais rien faire, je ne savais ni lire, ni écrire, ni rien et cette bonne femme qui croyait que je serais un jour à la tête d'une armée ou que je dirigerais un pays, c'était un réconfort affectif à la fois inconditionnel et incompréhensible et en même temps c'était merveilleux. Pascal Jardin, après votre enfance mouvementée à cause de la guerre, à cause de la situation de vos parents, en particulier de votre père, vous vous êtes retrouvé parfaitement inculte. Je suis toujours, vous savez, je suis entré dans le monde des lettres par effraction. N'ayant jamais été en classe, n'ayant pas de métier en main. Et vous avez mené pendant un certain temps, vous le dites avec une grande simplicité, une espèce de vie de playboy. Pas de playboy, de macro, de gigolo. Je menais la vie de chérie, quoi. Oui. Avec Colette. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance, là encore, parce que j'ai eu le privilège de voyager beaucoup à l'intérieur de l'échelle sociale, si vous voulez. Quand j'avais 14 ans, j'ai rencontré une femme très belle et immensément riche. Donc je suis devenu le gigolo, mais je ne savais pas que j'étais son gigolo puisque je n'avais pas de système de référence par rapport à l'avant-guerre. Et on a vécu 4 ans tous les deux et elle a dépensé pour moi des fortunes inimaginables. Et puis quand ça s'est arrêté comme ça à bout de course d'une manière assez merveilleuse, comme je ne savais rien faire et que je voulais me marier, je suis devenu ouvrier papetier. Et là vous avez fait une expérience infiniment douloureuse. Pas pour moi, c'est pas vrai. Vous. Non, pas du tout, non. J'étais déjà complètement le spectateur de ma propre vie, non. Mais tout de même, cet inconfort, ce manque d'argent, ces conditions pénibles dans lesquelles vous travaillez... Non, ça me plaisait beaucoup. Ça me plaisait beaucoup. Ça remplaçait la lecture de Zola que je n'avais pas eue. Non, ça m'a beaucoup impressionné pour les autres. Et ça m'a surtout fait douter très sérieusement du monde et du milieu dont je suis issu. Mais ça ne m'avait pas du tout... Je ne peux pas dire que j'ai vraiment jamais souffert de ce genre de choses. Moi, je n'ai jamais souffert que sur le plan du cœur. J'ai pas du tout souffert d'être un ouvrier, de travailler 10 heures par jour. De toute manière, je travaillais beaucoup moins que maintenant. Je travaille 18 heures par jour. Non. Peut-être dans des conditions moins inconfortables. Oh, ça, vraiment, je crois pas. Je travaille dans des conditions très inconfortables quand on a 5 ou 6 films à la fois sur le dos. Vous dites que pour vous, les choses qui vous touchent sont les choses du cœur. Et vous parlez très simplement de vos expériences. Eh bien, est-ce que dans ces femmes que vous avez aimées, qui vous ont quelquefois donné des enfants, qui vous ont donné leur temps, Il n'y en a qu'une que j'ai aimée. Que j'aime toujours, parce que je ne crois pas que ça meure. Vous pensez? Non, ou alors... Même si on se sépare des gens? Moi, je n'ai jamais su rompre avec les gens que j'aimais. Et est-ce que les autres peuvent ne pas rompre avec vous? Si on ne veut pas être que les choses s'arrêtent, elles ne s'arrêtent jamais. Vous savez bien que il ne vous arrive que ce qu'on veut bien. Pascal Jardin, cette parole est assez terrifiante. Non, je le crois vraiment. Vous savez, les hommes ne sont quittés par les femmes définitivement quand ils le veulent. Sinon, ils ne le sont pas. Autrement dit, même pour dire quelque chose de plus horrible, ils sont quittés quand ça les arrange. Vous pensez? Ah oui, ils sont lâches, les hommes. Et quand on vous a quitté, vous, c'était parce que ça vous arrangeait? Ah oui. Et vous l'avez regretté après? Non, j'ai jamais perdu les gens que j'aimais, ni mes amis, ni mes amours. Ça se poursuit, ça a l'air de disparaître, et puis ça se retrouve, ça revient. C'est une alchimie très mystérieuse. Ça se transforme? Ou bien l'amour reste intact? Je me sens encore trop vigoureux pour que ça devienne autre chose que de l'amour. Enfin, trop vivant, quoi, je veux dire. Pascal Jardin, il y a aussi une grande place dans votre livre pour l'amitié. Et ça, on le remarquait déjà dans vos deux autres livres. L'amitié, c'est important pour vous? Je ne crois pas beaucoup à l'amitié au sens où on l'entend en général. Je crois que... Enfin, je ne suis pas du tout homosexuel, mais je crois qu'il y a déjà des hommes avec qui j'ai des rapports qui sont de l'ordre de l'amour, comme par exemple Claude Sauté ou ce fou d'Alain Delon. Il y a des hommes avec qui j'ai des rapports comme ça, fondamentaux. Je sais qui ils sont comme... Je connais leur vrai visage, comme je connais le visage de mes enfants, qui peuvent devenir vieux et laids. Je saurais toujours quel a été le vrai visage de certains êtres, de mes enfants. Et il y a des hommes comme ça, dont je connais vraiment le vrai visage. Et avec vos amis, est-ce que vous pouvez rompre? Je ne crois pas aux brouilles non plus, vous savez. Même s'il y a des choses un peu fracassantes, comme certaines choses qui vous sont arrivées avec Alain Delon, des voitures brisées, des engueulades, des... Je me brouille périodiquement avec Alain Delon tous les 2 ans. Ça ne nous a jamais gênés pour travailler ensemble. En plus, je ne crois pas aux brouilles avec les acteurs. Je ne crois pas plus aux brouilles avec les acteurs que je crois aux brouilles avec les femmes. Pourquoi les acteurs participent de la nature féminine, dans un certain sens, peut-être. Oui, ce sont toujours des êtres très féminins, sinon ils ne pourraient pas être comédiens. Et vos rapports avec Jean Gabin? Extrêmement réjouissant. Vous en aviez déjà parlé dans vos autres livres, d'ailleurs. Oui. C'est un personnage qui vous intimide, non? Non, pas du tout, non. C'est un personnage extrêmement... Non, c'est pas ces gens-là qui m'intimident, c'est les gens que je connais pas. Moi, Gabin me fait pas peur du tout. Non, c'est une bête énorme, c'est un monstre qui m'a toujours enchanté. Et là encore, c'est un enchantement qui vient de très loin, je veux dire. Quand j'avais vraiment 5 ans, je marchais comme si j'avais fait caca dans ma culotte dans l'espoir d'avoir la démarche de Gabin. Il me valait des coups de pied dans le derrière de mon père, mais je veux dire, ce sont des... J'ai su que je travaillerais avec Gabin vraiment 20 ans avant de le connaître. Vraiment. Et Paul Morand? Paul Morand, je l'ai connu en 43, et je n'ai jamais cessé d'être très très très très proche de lui. Jamais. C'est un homme qui ne se livre pas du tout. C'est un homme qui est positivement muré, tellement il est introverti. Et pour l'approcher un peu, pour savoir quelque chose de lui, il faut faire des choses avec lui. Si vous pêchez, si vous faites la cuisine avec lui, si vous réparez une voiture, alors on arrive à avoir un échange au niveau du verbe. Sinon, et même comme ça, très peu. En réalité, mes vrais rapports avec Morand, même quand j'habitais Vevey en Suisse, c'était la même ville que lui, c'était les rapports par lettres. On se livre davantage par lettre. Oui, on s'écrivait tous les jours, on se glissait des mots sous la porte. Est-ce qu'il vous a conseillé pour votre écriture? Jamais, il m'a toujours conseillé de ne pas écrire. Il n'y a pas plus méchant que les écrivains entre eux. Sinon les acteurs, peut-être. Oh, les acteurs, c'est rien. Ce qu'il y a de pire, c'est les peintres, les écrivains. Les acteurs viennent très très loin derrière, très très loin derrière la politique. Pascal Jardin, la politique, justement, on a l'impression que ça ne vous soucie pas. Je ne sais pas, peut-être que j'en ferai un jour, mais si j'en fais, ce sera comme par effraction. Comme la littérature. Comme le cinéma et comme la littérature. Est-ce que vous êtes heureux? Je ne me pose jamais la question. Et vous n'aimez pas y répondre? Non, pas du tout, c'est pas ça. Je pense à cette phrase de Bernard Shaw, admirable, qui disait « Je ne cherche plus le bonheur, la vie vaut mieux que ça. » C'est votre philosophie? Ah oui. Je déteste les gens qui cherchent le bonheur comme on cherche à devenir riche. C'est une idée qui me déprime profondément. Ça ne me paraît pas très grave d'être malheureux ou heureux. Ça fait partie de... Ce ne sont que des péripéties. Non, j'aime pas beaucoup les gens qui cherchent le bonheur. C'est comme les gens qui cherchent à acheter, à économiser pour avoir une maison de campagne. Ça me paraît un goût de la propriété que je n'ai pas, ni par rapport à la vie, ni par rapport aux gens que j'aime. Est-ce que vous voulez donner du bonheur aux autres? J'aimerais bien. Est-ce que vous avez quelquefois la sensation que vous en donnez à des êtres aussi différents qu'une femme ou des enfants? On peut aider les femmes qu'on aime dans la mesure où on aide à les inventer. Oui, peut-être. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Vous savez ça, je ne sais pas. Et les enfants? C'est un autre problème. Les enfants, ils me terrorisent. Je suis très intimidé. Voilà, alors là, je suis vraiment intimidé par les enfants. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de clé, quelquefois, pour... Oui, parce que je ne sais pas. J'ai une fille qui a 18 ans et je commence seulement à trouver mes vrais rapports avec elle. Je suis très intimidé par les enfants. Et puis, vous savez, les types qui font ce que je fais, c'est-à-dire qui essaient d'écrire, sont distraits. Et les femmes, comme les enfants, n'aiment pas les gens distraits. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Pascal Jardin. Je rappelle que ce livre s'est intitulé « Guerre après guerre » et qu'il est édité chez Bernard Grasset. C'était « Le texte et la marge ». Denise Alberti recevait Pascal Jardin le 19 octobre 1973 sur France Culture. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». «